Le porte-parole de l'Institut du problème des États-Unis du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a répondu le 17 aux questions du correspondant de l'Agence télégraphique centrale de Corée à propos de la réunion des vice-ministres des Affaires étrangères américano-nippo-sud-coréens déroulée à Hawaï. En voici le résumé. Comme il est de notoriété publique, les États-Unis disposent successivement dans la péninsule coréenne les moyens d'attaque nucléaire, notamment les sous-marins nucléaires et les bombardiers stratégiques, pour ainsi entraîner la situation de la péninsule coréenne et de la région au seuil de guerre. Dans cette circonstance, les États-Unis ont appelé leurs laquais japonais et sud-coréens à Hawaï et y a organisé la 4e réunion tripartite des vice-ministres des Affaires étrangères. Comme d'habitude, ils y ont prétendu de la menace du Nord et promis à leurs laquais de prendre toujours des mesures nécessaires pour la sécurité. Ce n'est point au hasard qu'ils ont tenu de nouveau la réunion tripartite, là où ils viennent d'effectuer les exercices d'alerte de missiles américano-nippo-sud-coréens. Établir un système de défense anti-missile dans la péninsule coréenne et à ses alentours et réaliser l'organisation de l'alliance militaire tripartite afin d'assurer l'hégémonie militaire de la région, voilà l'ambition de longue date des États-Unis. L'établissement du système de défense anti-missile et l'organisation de l'alliance militaire tripartite sont un acte très dangereux qui risque de détruire l'équilibre stratégique de la région et causer même une guerre nucléaire dans la péninsule coréenne et à ses alentours. Washington, qui a jeté la base pour l'établissement du système de défense antimissile par la décision de la disposition de SAD en Corée du Sud, tente aujourd'hui de s'attaquer pour de bon à l'organisation de l'alliance militaire tripartite en incitant plus énergiquement leurs remorqués japonais et sud-coréens. La réunion en question est une occasion où les Américains ont dévoilé ouvertement leur tentative de réaliser à tout prix l'hégémonie militaire dans la région et aussi dans le reste du monde. Le monde doit prêter l'attention requise à l'évolution de la situation de la péninsule coréenne et de l'Asie Nord-Est, qui voit la formation de la structure d'une nouvelle guerre froide et l'accroissement du danger de guerre nucléaire à cause des complots de Washington et de leurs laquais. Tout comme nous avons déjà déclaré, les mesures pour le renforcement de la dissuasion nucléaire autodéfensive pour éliminer radicalement le danger de guerre non seulement dans la péninsule coréenne, en Asie Nord-Est, mais aussi dans le reste du monde, seront prises continuellement à un niveau plus élevé du point de vue de la qualité et de la quantité.